Bienvenue dans cette nouvelle série de méditations semi-guidées. Tu vas entendre ma voix pendant quelques minutes et ensuite je te laisserai méditer seul. Tu entendras à nouveau ma voix à la fin des 15 minutes pour t'indiquer la fin de la méditation. Il y aura 15 vidéos publiées tous les matins du 15 au 30 août. Tout d'abord, pour commencer, éteins ton téléphone portable. Vérifie que la batterie de ton ordinateur ne va pas s'arrêter avant les 15 minutes de la méditation. Règle le volume du son de ton ordinateur ou de ce que tu utilises pour écouter cet audio pour que le son ne soit ni trop faible, pour que tu entendes ma voix sans faire d'effort, ni trop fort, pour que ma voix ne dérange pas ta méditation. Une fois que tu as réglé le son, ne te mets pas en face de ton écran. Éloigne-toi de lui pour aller dans un endroit où tu pourras méditer sans être tenté de le regarder, et pour ne pas vouloir interrompre ta méditation. Commence par t'asseoir dans une position confortable. Tu peux t'asseoir normalement sur une chaise, ou alors t'asseoir en tailleur. Si tu sais le faire, tu peux te mettre en position de lotus ou de demi-lotus, avec les jambes superposées l'une sur l'autre. Garde le dos droit, de manière à pouvoir maintenir cette position en restant immobile pendant toute la méditation. Maintiens bien droit le bas de ton dos, grâce à tes abdominaux. Tu peux aussi légèrement rentrer le ventre pour avoir une position plus droite facilement. Relâche tes épaules et garde-les légèrement vers l'avant. Rentre légèrement le menton dans le cou. Maintenant, tu peux réunir les mains au centre de ton corps, les paumes tournées vers le ciel, et superposer tes deux mains l'une sur l'autre. Ferme les yeux lentement si ce n'est pas encore fait. Inspire profondément par le nez. Puis expire. Respire aussi lentement que possible. Maintenant que tu es dans cette position, tu vas la maintenir pendant toute la méditation. Le plus important est de garder cette position immobile. N'essaye pas de faire le vide ou de te déstresser. Pour cette première méditation, nous n'essayons pas d'atteindre un état intérieur particulier. Il suffit de maintenir cette position pour être en méditation. Actuellement, tu es déjà en train de méditer et ta méditation est parfaite. Bientôt, tu n'entendras plus ma voix. En maintenant cette position, petit à petit, tu vas observer tes pensées. Tu vas les voir apparaître, puis disparaître et se répéter. Si tu ressens pendant cette méditation des émotions négatives, de l'énervement ou du stress, observe ces émotions sans les juger. Ce n'est pas grave de ressentir cela. Il s'agit seulement d'observer ces pensées. Lorsque tu n'entendras plus ma voix, tu ressentiras peut-être la tentation d'arrêter la méditation. Observe cette tentation sans la juger. Reste simplement immobile dans ta position. Cette tentation passera probablement, et si elle ne passe pas, ce n'est pas grave. Garde une respiration calme et profonde lors de la méditation et reste dans une position droite et équilibrée. Ni trop en avant, ni trop en arrière. Ni trop à gauche, ni trop à droite. Je vais maintenant te laisser méditer et observer tes pensées. Tu iras entendre ma voix seulement à la fin de la méditation. peux maintenant lentement ouvrir les yeux. Tu peux aussi lever les bras et les étirer. Lors de cette journée ou de cette nuit, tu pourras continuer à observer tes pensées sans les juger et rester dans l'état méditatif dans lequel tu es maintenant. Si cette méditation n'a pas eu d'effet sur toi, ce n'est pas un problème. Il faut souvent quelques jours avant de voir les bénéfices de la méditation. On se retrouvera demain pour une nouvelle séance de méditation avec des instructions différentes. Si cette expérience t'a plu, n'hésite pas à inviter tes amis à participer aussi à ces 15 jours de méditation quotidienne et passe une très bonne journée.